L'aspect de la Terre à cette période de mon ascension était vraiment magnifique. À l'ouest, au nord et au sud, aussi loin que pénétrait mon regard, s'étendait une nappe illimitée de mer en apparence immobile qui, de seconde en seconde, prenait une teinte bleue plus profonde. À une vaste distance vers l'est, s'allongeaient très distinctement les îles britanniques, les côtes occidentales de la France et de l'Espagne, ainsi qu'une petite portion de la partie nord du continent africain. Il était impossible de découvrir une trace des édifices particuliers, et les plus orgueilleuses cités de l'humanité avaient absolument disparu de la surface de la Terre. Ce qui m'étonna particulièrement dans l'aspect des choses situées au-dessous de moi, ce fut la concavité apparente de la surface du globe. Je m'attendais, assez sottement, à voir la convexité réelle se manifester plus distinctement à proportion que je m'élèverais. Mais quelques secondes de réflexion me suffirent pour expliquer cette contradiction. Une ligne abaissée perpendiculairement sur la Terre du point où je me trouvais aurait formé la perpendiculaire d'un triangle rectangle dont la base se serait étendue de l'angle droit à l'horizon et l'hypoténuse de l'horizon au point occupé par mon ballon. Mais l'élévation où j'étais placée n'était rien ou presque comparativement à l'étendue embrassée par mon regard. En d'autres termes, la base et l'hypoténuse du triangle supposé étaient si longues, comparées à la perpendiculaire, qu'elles pouvaient être considérées comme deux lignes presque parallèles. De cette façon, l'horizon de l'aéronaute lui apparaît toujours au niveau de sa nacelle. Mais comme le point situé immédiatement au-dessous de lui apparaît et est, en effet, à une immense distance, naturellement, il lui paraît aussi à une immense distance au-dessous de l'horizon. De là l'impression de concavité. Et cette impression durera jusqu'à ce que l'élévation se trouve relativement à l'étendue de la perspective dans une proportion telle que le parallélisme apparent de la base et de l'hypoténuse disparaisse. Cependant, comme les pigeons semblaient souffrir horriblement, je résolus de leur donner la liberté. Je déliai d'abord l'un d'eux, un superbe pigeon gris saumonné, et le plaçai sur le bord de la nacelle. Il semblait excessivement mal à son aise, regardait anxieusement autour de lui, battait des ailes, faisait entendre un roucoulement très accentué, mais ne pouvait pas se décider à s'élancer hors de la nacelle. À la fin, je le pris et le jetai à 6 yards environ du ballon. Cependant, bien loin de descendre comme je m'y attendais, il fit des efforts véhéments pour rejoindre le ballon, poussant en même temps des cris très aigus et très perçants. Enfin, il réussit à rattraper sa première position sur le bord du panier. Mais à peine s'était-il posé, qu'il pencha sa tête sur sa gorge et tomba mort au fond de la nacelle. L'autre n'eut pas un sort aussi déplorable. Pour l'empêcher de suivre l'exemple de son camarade et d'exécuter un retour vers le ballon, je le précipitai vers la terre de toute ma force et vis avec plaisir qu'il continuait à descendre avec une grande vélocité, faisant usage de ses ailes très facilement et d'une manière parfaitement naturelle. En très peu de temps, il fut hors de vue. Je ne doute pas qu'il soit arrivé à bon port. Quant à la Minette, qui semblait en grande partie remise de sa crise, elle se faisait maintenant un joyeux régal de l'oiseau mort et finit par s'endormir avec toutes les apparences du contentement. Les petits chats étaient parfaitement vivants et ne manifestaient pas le plus léger symptôme de malaise. À 8h15, ne pouvant pas respirer plus longtemps sans une douleur intolérable, je commençai immédiatement à ajuster autour de la nacelle l'appareil attenant au condensateur. Cet appareil demande quelques explications, et vos excellences voudront bien se rappeler que mon but, en premier lieu, était de m'enfermer entièrement, moi et ma nacelle, et de me barricader contre l'atmosphère singulièrement raréfiée au sein de laquelle j'existais, et enfin, d'introduire à l'intérieur, à l'aide de mon condensateur, une quantité de cette même atmosphère suffisamment condensée pour les besoins de la respiration. Dans ce but, j'avais préparé un vaste sac de caoutchouc très flexible, très solide, absolument imperméable. La nacelle tout entière se trouvait en quelque sorte placée dans ce sac, dont les dimensions avaient été calculées pour cet objet, c'est-à-dire qu'il passait sous le fond de la nacelle, s'étendait sur ses bords, et montait extérieurement le long des cordes jusqu'au cerceau où le filet était attaché. Ayant ainsi déployé le sac et fait hermétiquement la clôture de tous les côtés, il fallait maintenant assujettir le haut, où l'ouverture du sac en faisait passer le tissu de caoutchouc au-dessus du cerceau, en d'autres termes, entre le filet et le cerceau. Mais si je détachais le filet du cerceau pour opérer ce passage, comment la nacelle pourrait-elle se soutenir? Or, le filet n'était pas ajusté au cerceau d'une manière permanente, mais attaché par une série de brides mobiles ou de nœuds coulants. Je ne défis donc qu'un petit nombre de ces brides à la fois, laissant la nacelle suspendue par les autres. Ayant fait passer ce que je pus de la partie supérieure du sac, je rattachai les brides, non pas au cerceau, car l'interposition de l'enveloppe de caoutchouc rendait cela impossible, mais à une série de gros boutons fixés à l'enveloppe elle-même, à 3 pieds environ au-dessous de l'ouverture du sac, les intervalles des boutons correspondant aux intervalles des brides. Cela fait, je détachai du cerceau quelques autres brides, j'introduisis une nouvelle portion de l'enveloppe, et les brides dénouées furent à leur tour assujetties à leurs boutons respectifs. Par ce procédé, je pouvais faire passer toute la partie supérieure du sac entre le filet et le cerceau. Il est évident que le cerceau devait dès lors tomber dans la nacelle, tout le poids de la nacelle et de son contenu n'étant plus supporté que par la force des boutons. À première vue, ce système pouvait ne pas offrir une garantie suffisante, mais il n'y avait aucune raison de s'en défier, car non seulement les boutons étaient solides par eux-mêmes, mais de plus, ils étaient si rapprochés que chacun ne supportait en réalité qu'une très légère partie du poids total. La nacelle et son contenu auraient pesé 3 fois plus que je n'en aurais pas été inquiet le moins du monde. Je relevai alors le cerceau le long de l'enveloppe de caoutchouc et je l'étayai sur 3 perches légères préparées pour cet objet. Cela avait pour but de tenir le sac convenablement distendu par le haut et de maintenir la partie inférieure du filet dans la position voulue. Tout ce qui me restait à faire maintenant était de nouer l'ouverture du sac, ce que j'opérais facilement en rassemblant les plis du caoutchouc et en les tordant étroitement ensemble au moyen d'une espèce de tourniquet à demeure. Sur les côtés de l'enveloppe ainsi déployée autour de la nacelle, j'avais fait adapter 3 carreaux de verre rond, très épais mais très clairs, au travers desquels je pouvais voir facilement autour de moi dans toutes les directions horizontales. Dans la partie du sac qui formait le fond, était une 4e fenêtre analogue correspondant à une petite ouverture pratiquée dans le fond de la nacelle elle-même. Celle-ci me permettait de regarder perpendiculairement au-dessous de moi. Mais il m'avait été impossible d'ajuster une invention du même genre au-dessus de ma tête, en raison de la manière particulière dont j'étais obligé de fermer l'ouverture et des plis nombreux qui en résultaient. J'avais donc renoncé à voir les objets situés dans mon zénith. Mais c'était là une chose de peu d'importance, car lors même que j'aurais pu placer une fenêtre au-dessus de moi, le ballon aurait fait obstacle à ma vue et m'aurait empêché d'en faire usage. À 1 pied environ au-dessous d'une des fenêtres latérales était une ouverture circulaire de 3 pouces de diamètre avec un rebord de cuivre façonné intérieurement pour s'adapter à la spirale d'une vis. Dans ce rebord se vissait le large tube du condensateur, le corps de la machine étant naturellement placé dans la chambre de caoutchouc. En faisant le vide dans le corps de la machine, on attirait dans ce tube une masse d'atmosphère ambiante raréfiée qui de là était déversée à l'état condensé et mêlée à l'air subtil déjà contenu dans la chambre. Cette opération, répétée plusieurs fois, remplissait à la longue la chambre d'une atmosphère suffisant aux besoins de la respiration. Mais, dans un espace aussi étroit que celui-ci, elle devait nécessairement, au bout d'un temps très court, se vicier et devenir impropre à la vie par son contact répété avec les poumons. Elle était alors rejetée par une petite soupape placée au fond de la nacelle, l'air dense se précipitant promptement dans l'atmosphère raréfiée. Pour éviter à un certain moment l'inconvénient d'un vide total dans la chambre, cette purification ne devait jamais être effectuée en une seule fois, mais graduellement, la soupape n'étant ouverte que pour quelques secondes, puis refermée, jusqu'à ce que 1 coup ou 2 coups de pompe du condensateur eussent fourni de quoi remplacer l'atmosphère expulsée. Par amour des expériences, j'avais placé la chatte et ses petits chats dans un petit panier et les avait suspendues en dehors de la nacelle par un bouton placé près du fond, tout près de la soupape, à travers laquelle je pouvais leur faire passer de la nourriture quand besoin était. J'accomplis cette manœuvre avant de fermer l'ouverture de la chambre, et non sans quelques difficultés, car il me fallut, pour atteindre le dessous de la nacelle, me servir d'une des perches dont j'ai parlé, à laquelle était fixé un crochet. Aussitôt que l'air condensé eut pénétré dans la chambre, le cerceau et les perches devinrent inutiles. L'expansion de l'atmosphère incluse distendit puissamment le caoutchouc. Quand j'eus fini tous ces arrangements et rempli la chambre d'air condensé, il était 9h10. Pendant tout le temps qu'avaient duré ces opérations, j'avais horriblement souffert de la difficulté de respiration et je me repentais amèrement de la négligence, ou plutôt de l'incroyable imprudence dont je m'étais rendu coupable en remettant au dernier moment une affaire d'une si haute importance. Mais enfin, lorsque j'eus fini, je commençai à recueillir, et promptement, les bénéfices de mon invention. Je respirai de nouveau avec une aisance et une liberté parfaite. Et vraiment, pourquoi n'en eût-il pas été ainsi? Je fus aussi très agréablement surpris de me trouver en grande partie soulagé des vives douleurs qui m'avaient affligé jusqu'alors. Un léger mal de tête, accompagné d'une sensation de plénitude ou de distension dans les poignets, les chevilles et la gorge, était à peu près tout ce dont j'avais à me plaindre maintenant. Ainsi, il était positif qu'une grande partie du malaise provenant de la disparition de la pression atmosphérique s'était absolument évanouie, et que presque toutes les douleurs que j'avais endurées pendant les 2 dernières heures devaient être attribuées uniquement aux effets d'une respiration insuffisante. À 9h20, c'est-à-dire peu de temps après avoir fermé l'ouverture de ma chambre, le mercure avait atteint son extrême limite et était retombé dans la cuvette du baromètre qui, comme je l'ai dit, était d'une vaste dimension. Il me donnait alors une hauteur de 132 000 pieds ou de 25 miles et conséquemment, mon regard, en ce moment, n'embrassait pas moins de la 320e partie de la superficie totale de la Terre. À 9h, j'avais de nouveau perdu de vue la Terre dans l'Est, mais pas avant de m'être aperçu que le ballon dérivait rapidement vers le nord-nord-ouest. L'océan, au-dessous de moi, gardait toujours son apparence de concavité, mais sa vue était souvent interceptée par des masses de nuées qui flottaient çà et là. À 9h30, je recommençais l'expérience des plumes, j'en jetai une poignée à travers la soupape. Elles ne voltigèrent pas comme je m'y attendais, mais tombèrent perpendiculairement, en masse, comme un boulet, et avec une telle vélocité que je les perdis de vue en quelques secondes. Je ne savais d'abord que penser de cet extraordinaire phénomène. Je ne pouvais croire que ma vitesse ascensionnelle se fût si soudainement et si prodigieusement accélérée. Mais je réfléchis bientôt que l'atmosphère était maintenant trop raréfiée pour soutenir même des plumes, qu'elles tombaient réellement, ainsi qu'il m'avait semblé, avec une excessive rapidité, et que j'avais été simplement surpris par la vitesse combinée de leur chute et de mon ascension. À 10h, il se trouva que je n'avais plus grand-chose à faire et que rien ne réclamait mon attention immédiate. Mes affaires allaient donc comme sur des roulettes, et j'étais persuadée que le ballon montait avec une vitesse incessamment croissante, quoique je n'eusse plus aucun moyen d'apprécier cette progression de vitesse. Je n'éprouvais de peine ni de malaise d'aucune espèce, je jouissais même d'un bien-être que je n'avais pas encore connu depuis mon départ de Rotterdam. Je m'occupais tantôt à vérifier l'état de tous mes instruments, tantôt à renouveler l'atmosphère de la chambre. Quant à ce dernier point, je résolus de m'en occuper à des intervalles réguliers de 40 minutes, plutôt pour garantir complètement ma santé que par une absolue nécessité. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de faire des rêves et des conjectures. Ma pensée s'ébattait dans les étranges et chimériques régions de la Lune. Mon imagination, se sentant une bonne fois délivrée de toute entrave, errait à son gré parmi les merveilles multiformes d'une planète ténébreuse et changeante. Tantôt, c'était des forêts chenues et vénérables, des précipices rocailleux et des cascades retentissantes, s'écroulant dans des gouffres sans fond. Tantôt, j'arrivais tout à coup dans de calmes solitudes inondées d'un soleil de midi, où ne s'introduisait jamais aucun vent du ciel, et où s'étalaient à perte de vue de vastes prairies de pavots et de longues fleurs élancées semblables à des lys, toutes silencieuses et immobiles pour l'éternité. Puis je voyageais longtemps, longtemps, et je pénétrais dans une contrée qui n'était tout entière qu'un lac ténébreux et vague, avec une frontière de nuages. Mais ces images n'étaient pas les seules qui prissent possession de mon cerveau. Parfois, des horreurs d'une nature plus noire, plus effrayante, s'introduisaient dans mon esprit et ébranlaient les dernières profondeurs de mon âme par la simple hypothèse de leur possibilité. Cependant, je ne pouvais permettre à ma pensée de s'appesantir trop longtemps sur ces dernières contemplations. Je pensais, judicieusement, que les dangers réels et palpables de mon voyage suffisaient largement pour absorber toute mon attention. À 5 heures de l'après-midi, comme j'étais occupée à renouveler l'atmosphère de la chambre, je pris cette occasion pour observer la chatte et ses petits à travers la soupape. La chatte semblait de nouveau souffrir beaucoup, et je ne doutais pas qu'il ne fallût attribuer particulièrement son malaise à la difficulté de respirer. Mais mon expérience relativement aux petits avait eu un résultat des plus étranges. Naturellement, je m'attendais à les voir manifester une sensation de peine, quoiqu'à un degré moindre que leur mère, et cela eût été suffisant pour confirmer mon opinion touchant l'habitude de la pression atmosphérique. Mais je n'espérais pas les trouver, après un examen scrupuleux, jouissant d'une parfaite santé et ne laissant pas voir le plus léger signe de malaise. Je ne pouvais me rendre compte de cela qu'en élargissant ma théorie, et en supposant que l'atmosphère ambiante hautement raréfiée pouvait bien, contrairement à l'opinion que j'avais d'abord adoptée comme positive, n'être pas chimiquement insuffisante pour les fonctions vitales, et qu'une personne, née dans un pareil milieu, pourrait peut-être ne s'apercevoir d'aucune incommodité de respiration, tandis que, ramenée vers les couches plus denses avoisinant la terre, elle souffrirait vraisemblablement des douleurs analogues à celles que j'avais endurées tout à l'heure. Ça a été pour moi, dès lors, l'occasion d'un profond regret qu'un accident malheureux m'ait privé de ma petite famille de chats et m'ait enlevé le moyen d'approfondir cette question par une expérience continue. En passant ma main à travers la soupape avec une tasse pleine d'eau pour la vieille Minette, la manche de ma chemise s'accrocha à la boucle qui supportait le panier et du coup la détacha du bouton. Quand même tout le panier se fût absolument évaporé dans l'air, il n'aurait pas été escamoté de ma vue d'une manière plus abrupte et plus instantanée. Positivement, il ne s'écoula pas la dixième partie d'une seconde entre le moment où le panier se décrocha et celui où il disparut complètement avec tout ce qu'il contenait. Mes souhaits les plus heureux l'accompagnèrent vers la terre, mais naturellement, je n'espérais guère que la chatte ou ses petits survécussent pour raconter leur odyssée. À 6 heures, je m'aperçus qu'une grande partie de la surface visible de la terre, vers l'est, était plongée dans une ombre épaisse qui s'avançait incessamment avec une grande rapidité. Enfin, à 7h05, toute la surface visible fut enveloppée dans les ténèbres de la nuit. Ce ne fut toutefois que quelques instants plus tard que les rayons du soleil couchant cessèrent d'illuminer le ballon. Et cette circonstance, à laquelle je m'attendais parfaitement, ne manqua pas de me causer un immense plaisir. Il était évident qu'au matin, je contemplerais le corps lumineux à son lever plusieurs heures au moins avant les citoyens de Rotterdam, bien qu'il fût situé beaucoup plus loin que moi dans l'est, et qu'ainsi, de jour en jour, à mesure que je serai placé plus haut dans l'atmosphère, je jouirai de la lumière solaire pendant une période de plus en plus longue. Je résolus alors de rédiger un journal de mon voyage en comptant les jours de 24 heures consécutives, sans avoir égard aux intervalles de ténèbres. À 10 heures, sentant venir le sommeil, je résolus de me coucher pour le reste de la nuit. Mais ici se présenta une difficulté qui, quoique de nature à sauter aux yeux, avait échappé à mon attention jusqu'au dernier moment. Si je me mettais à dormir, comme j'en avais l'intention, comment renouveler l'air de la chambre pendant cet intervalle? Respirer cette atmosphère plus d'une heure au maximum était une chose absolument impossible, et en supposant ce terme poussé jusqu'à 1 h 15, les plus déplorables conséquences pouvaient en résulter. Cette cruelle alternative ne me causa pas peu d'inquiétude. Et l'on croira à peine qu'après les dangers que j'avais essuyés, je pris la chose tellement au sérieux que je désespérais d'accomplir mon dessein et que finalement je me résignais à la nécessité d'une descente. Mais cette hésitation ne fut que momentanée. Je réfléchis que l'homme est le plus parfait esclave de l'habitude et que 1000 cas de la routine de son existence sont considérés comme essentiellement importants, qui ne sont tels que parce qu'il en fait des nécessités de routine. Il était positif que je ne pouvais pas ne pas dormir. Mais je pouvais facilement m'accoutumer à me réveiller sans inconvénient d'heure en heure durant tout le temps consacré à mon repos. Il ne me fallait pas plus de 5 minutes au plus pour renouveler complètement l'atmosphère. Et la seule difficulté réelle était d'inventer un procédé pour m'éveiller au moment nécessaire. Mais c'était là un problème dont la solution, je le confesse, ne me causait pas peu d'embarras. J'avais certainement entendu parler de l'étudiant qui, pour s'empêcher de tomber de sommeil sur ses livres, tenait dans une main une boule de cuivre, dont la chute retentissante dans un bassin de même métal placé par terre, à côté de sa chaise, servait à le réveiller en sursaut si quelquefois il se laissait aller à l'engourdissement. Mon cas, toutefois, était fort différent du sien et ne livrait pas de place à une pareille idée, car je ne désirais pas rester éveillé, mais me réveiller à des intervalles réguliers. Enfin, j'imaginais l'expédient suivant qui, quelque simple qu'il paraisse, fut salué par moi au moment de ma découverte comme une invention absolument comparable à celle du télescope, des machines à vapeur et même de l'imprimerie. Il est nécessaire de remarquer d'abord que le ballon, à la hauteur où j'étais parvenu, continuait à monter en ligne droite avec une régularité parfaite et que la nacelle le suivait conséquemment sans éprouver la plus légère oscillation. Cette circonstance me favorisa grandement dans l'exécution du plan que j'avais adopté. Ma provision d'eau avait été embarquée dans des barils qui contenaient chacun 5 gallons et étaient solidement arrimés dans l'intérieur de la nacelle. Je détachai l'un de ces barils et, prenant 2 cordes, je les attachai étroitement au rebord d'osier, de manière qu'elles traversaient la nacelle parallèlement et à une distance d'un pied l'une de l'autre. Elles formaient ainsi une sorte de tablette sur laquelle je plaçai le baril et l'assujettis dans une position horizontale. À 8 pouces environ au-dessous de ces cordes et à 4 pieds du fond de la nacelle, je fixai une autre tablette, mais faite d'une planche mince, la seule de cette nature qui fût à ma disposition. Sur cette dernière, et juste au-dessous d'un des bords du baril, je déposai une petite cruche de terre. Je perçai alors un trou dans le fond du baril, au-dessus de la cruche, et j'y fichai une cheville de bois taillée en cône ou en forme de bougie. J'enfonçai et je retirai cette cheville, plus ou moins, jusqu'à ce qu'elle s'adaptât, après plusieurs tâtonnements, juste assez pour que l'eau filtrant par le trou et tombant dans la cruche la remplit jusqu'au bord dans un intervalle de 60 minutes. Quant à ceci, il me fut facile de m'en assurer en peu de temps. Je n'eus qu'à observer jusqu'à quel point la cruche se remplissait dans un temps donné. Tout cela dûment arrangé, le reste se devine. Mon lit était disposé sur le fond de la nacelle, de manière que ma tête, quand j'étais couché, se trouvait immédiatement au-dessous de la gueule de la cruche. Il était évident qu'au bout d'une heure, la cruche remplie devait déborder, et le trop-plein s'écoulait par la gueule qui était un peu en dessous du niveau du bord. Il était également certain que l'eau tombant ainsi d'une hauteur de plus de 4 pieds ne pouvait pas ne pas tomber sur ma face et que le résultat devait être un réveil instantané. Quand même j'aurais dormi du plus profond sommeil. Il était au moins 11 heures quand j'eus fini toute cette installation, et je me mis immédiatement au lit, plein de confiance dans l'efficacité de mon invention. Et je ne fus pas désappointé dans mes espérances. De 60 en 60 minutes, je fus ponctuellement éveillé par mon fidèle chronomètre. Je vidais le contenu de la cruche par le trou de bande du baril, je faisais fonctionner le condensateur et je me remettais au lit. Ces interruptions régulières dans mon sommeil me causèrent même moins de fatigue que je ne m'y étais attendu. Et quand enfin je me levai pour tout de bon, il était 7 heures et le soleil avait atteint déjà quelques degrés au-dessus de la ligne de mon horizon. 3 avril. Je trouvais que mon ballon était arrivé à une immense hauteur et que la convexité de la Terre se manifestait enfin d'une manière frappante. Au-dessous de moi, dans l'océan, se montrait un semis de points noirs qui devait être indubitablement des îles. Au-dessus de ma tête, le ciel était d'un noir de jais et les étoiles visibles et scintillantes. En réalité, elles m'avaient toujours apparu ainsi depuis le premier jour de mon ascension. Bien loin vers le nord, j'apercevais au bord de l'horizon une ligne ou une bande mince, blanche et excessivement brillante, et je supposais immédiatement que ce devait être la limite sud de la mer de glace polaire. Ma curiosité fut grandement excitée, car j'avais l'espoir de m'avancer beaucoup vers le nord et peut-être, à un certain moment, de me trouver directement au-dessus du pôle lui-même. Je déplorais alors que l'énorme hauteur où j'étais placé m'empêcha d'en faire un examen aussi positif que je l'aurais désiré. Toutefois, il y avait encore quelques bonnes observations à faire. Il ne m'arriva d'ailleurs rien d'extraordinaire durant cette journée. Mon appareil fonctionnait toujours très régulièrement et le ballon montait toujours sans aucune vacillation apparente. Le froid était intense et m'obligeait de m'envelopper soigneusement d'un paletot. Quand les ténèbres couvrirent la terre, je me mis au lit, quoique je dusse être pour plusieurs heures encore enveloppé de la lumière du plein jour. Mon horloge hydraulique accomplit ponctuellement son devoir, et je dormis profondément jusqu'au matin suivant, sauf les interruptions périodiques. 4 avril. Je me suis levé en bonne santé et en joyeuse humeur. J'ai été fort étonné du singulier changement survenu dans l'aspect de la mer. Elle avait perdu, en grande partie, la teinte de bleu profond qu'elle avait revêtue jusqu'à présent. Elle était d'un blanc grisâtre et d'un éclat qui éblouissait l'œil. La convexité de l'océan était devenue si évidente que la masse entière de ses eaux lointaines semblait s'écrouler précipitamment dans l'abîme de l'horizon, et je me surpris, prêtant l'oreille et cherchant les échos de la puissante cataracte. Les îles n'étaient plus visibles, soit qu'elles eussent passé derrière l'horizon vers le sud-est, soit que mon élévation croissante les eût chassées au-delà de la portée de ma vue. C'est ce qu'il m'est impossible de dire. Toutefois, j'inclinai vers cette dernière opinion. La bande de glace, au nord, devenait de plus en plus apparente. Le froid avait beaucoup perdu de son intensité. Il ne m'arriva rien d'important, et je passai tout le jour à lire, car je n'avais pas oublié de faire une provision de livres. 5 avril. J'ai contemplé le singulier phénomène du soleil levant pendant que presque toute la surface visible de la Terre restait enveloppée dans les ténèbres. Toutefois, la lumière commença à se répandre sur toute chose et je revis la ligne de glace au nord. Elle était maintenant très distincte et paraissait d'un ton plus foncé que les eaux de l'océan. Évidemment, je m'en rapprochais et avec une grande rapidité. Je m'imaginais que je distinguais encore une bande de terre vers l'est et une autre vers l'ouest, mais il me fut impossible de m'en assurer. Température modérée. Rien d'important ne m'arriva ce jour-là. Je me mis au lit de fort bonne heure. 6 avril. J'ai été fort surpris de trouver la bande de glace à une distance assez modérée et un immense champ de glace s'étendant à l'horizon vers le nord. Il était évident que, si le ballon gardait sa direction actuelle, il devait arriver bientôt au-dessus de l'océan boréal, et maintenant j'avais une forte espérance de voir le pôle. Durant tout le jour, je continuais à me rapprocher des glaces. Vers la nuit, les limites de mon horizon s'agrandirent très soudainement et très sensiblement, ce que je devais sans doute à la forme de notre planète, qui est celle d'un stéroïde écrasé, et parce que j'arrivais au-dessus des régions aplaties qui avoisinent le cercle arctique. À la longue, quand les ténèbres m'envahirent, je me mis au lit avec une grande anxiété, tremblant de passer au-dessus de l'objet d'une si grande curiosité sans pouvoir l'observer à loisir.